je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. C'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vends tes formes, tu tiens les rênes et ta misère est forte. Pas brasser l'air. Achetons une grande ville à santé VA. Confiné sur une île au large. Je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Car je la connais. Non.